le représentant du ministère public ne croit pas aux violences conjugales. C'était des conflits de couple, car les violences étaient réciproques selon lui. La question au centre des débats depuis hier, pourquoi Marie-Judy Olivier est partie chercher le couteau? Au départ, c'était pour lui faire peur, avait-elle déclaré, mais aujourd'hui, sa version est tout autre. Elle avait peur d'une potentielle agression. Pour le défenseur de la société, en tout état de cause, rien ne peut justifier un tel geste, d'autant que la victime n'était pas menaçante ce soir-là. Et l'avocat général va étayer ses arguments. Rudy est décidé à ressortir avec ses copains malgré son opposition. Alors, elle perd pied. Son monde s'effondre, son rêve se brise. Elle a un sentiment d'abandon. Elle a donc décidé de mettre fin à cette situation. Il reprend la thèse du psychologue qui évoque le geste réflexe lié à une angoisse envahissante. Marie-Judy Olivier est accusée de meurtre, mais il faut prouver qu'elle avait l'intention de tuer, dit-il. Bien Jacques Bernard va démontrer cette intention. Elle va chercher un couteau dans la cuisine, alors qu'il n'y a pas de danger. Elle monte derrière lui. L'intention se situe à ce moment-là, précise l'avocat général. Ensuite, elle tient le couteau en le masquant. Le coup est donné avec une telle force. Et enfin, la localisation des blessures, puisque c'est le cœur qui est touché, eh bien cette localisation n'a laissé aucune chance de survie. Pour le représentant du parquet, au vu de tous ces éléments, le verdict prononcé en première instance paraît juste. Nadine Bachelot, je rappelle que vous êtes en direct de la cour d'assises. Le verdict est attendu d'ici ce soir. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Politique, après 2 ans sans secrétaire départemental, le parti Les Républicains à La Réunion a un nouveau chef, en l'occurrence une chef, puisqu'il s'agit de Béatrice Sigismo. Cette adjointe au maire de Saint-Pierre est aussi vice-présidente au conseil départemental. Secrétaire départementale des Républicains, elle prend donc en charge l'exécutif du parti sur notre île. Michel Fontaine, dont elle est proche, reste lui président. Précision avec Sophie Persson. Béatrice Sigismo fait partie des fidèles de Michel Fontaine. Elle l'accompagne à la mairie de Saint-Pierre depuis plusieurs mandats. C'est une des femmes que le sénateur met en avant, parité oblige. Elle a déjà eu des responsabilités au sein du parti, à l'époque l'UMP, dont elle a été secrétaire départementale adjointe. En tout cas, si Béatrice Sigismo a été nommée, c'est parce qu'il y a eu enfin consensus. Consensus ici en local et une nomination ensuite par Paris. Depuis les dernières élections, départementales et régionales, la droite semble avoir retrouvé une certaine sérénité avec la plateforme. Là, ce sont les législatives et la présidentielle qui attendent Béatrice Sigismo. On verra comment les investitures vont se dérouler et il pourrait y avoir des grincements de dents. La nouvelle secrétaire départementale devra gérer et animer la fédération et mettre en application les décisions des instances nationales. Elle aura aussi en charge très prochainement le bon déroulement de la primaire les 20 et 27 novembre prochains. Midi 7 sur Réunion Première, la suite du journal, Antoine Garnier. Les agriculteurs de l'Ouest de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, la FDSEA, tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme et c'est toujours pour les mêmes raisons. Les problèmes d'irrigation et de facture d'eau qui s'élèveraient pour un planteur à 2 500 € par trimestre. Les agriculteurs sont aujourd'hui pris à la gorge et attendent des solutions, notamment de la part du département. Ils se sentent très désavantagés par rapport à leurs collègues du Sud et leurs collègues de l'Est. Écoutez Jean-Julius Métanir, il est agriculteur et membre de la FDSEA. Les gars de l'Est, s'ils veulent produire de la canne, il suffit qu'ils gardent les mains, ils regardent le ciel, il y a la pluie qui tombe. Alors c'est gratos pour lui. Nous aujourd'hui, c'est sec. Si on veut planter de la canne, il faut mettre de l'eau. Alors qui dit de l'eau, il y a un coup derrière. Alors ce coup, aujourd'hui, il est difficile à supporter. Aujourd'hui, ce qu'on attend, on a travaillé il y a près d'un an sur un dossier pour faire ressortir tous les malaises, toutes les problématiques qu'il y a sur la zone ouest. Et donc, on a remis au département et les instances concernées ce petit dossier. C'est pour crier nos désespoirs dans l'ouest et de dire, voilà, si on veut que la filière canne tient dans le temps, il faudrait vraiment nous aider. Et si aujourd'hui rien n'est fait, je pense que ici tout le monde va mettre la clé sur la porte. Jean-Julius Métanir, agriculteur et membre de la FDSEA, était au micro Réunion Première d'Hubert Debeu. Guillaume Branlat sera le nouveau président du directoire de l'aéroport Roland-Garros à compter du 1er janvier prochain et pour une période de 5 ans, et ce en remplacement de Jean-Paul Noël qui part à la retraite à la fin de l'année. Un nouveau président qui arrive pour mettre en place un plan stratégique 2017-2020 qui vise à renforcer l'attractivité de l'aéroport Roland-Garros avec une ambition, celle d'augmenter le confort des usagers de la plateforme aéroportuaire. À 42 ans, c'est un nouveau challenge pour Guillaume Branlat. Le développement de l'aéroport est le projet de ma présidence. Le rôle du président directoire, en fait, c'est de diriger la société au quotidien. tout simplement. Ça fait 10 ans que je travaille sur l'aéroport, donc je connais l'aéroport. Ça fait 5 ans que je suis membre du directoire, donc déjà un des dirigeants de l'entreprise, pas le président, mais un des dirigeants. Donc le fonctionnement de l'entreprise, je le connais. J'ai vu effectivement en quoi ça consistait, et demain, donc, je serai le patron avec une expérience d'adjoint. L'action principale, c'est faire en sorte que l'aéroport fonctionne. Donc au quotidien, on n'a que des avions, au quotidien, on n'a que des passagers, les avions arrivent, repartent, il faut que tout fonctionne parfaitement, que les avions soient à l'heure, qu'il n'y ait pas de problème sur les pistes, sur les regards. Voilà, c'est ça mon boulot au quotidien. Bien sûr, il y a le boulot de chef d'entreprise également. Donc l'entreprise, elle doit être rentable, voire profitable. Et le boulot de chef d'entreprise, c'est de faire en sorte que l'entreprise fonctionne également et gagne de l'argent. Des propos recueillis par Willy Thévenin. Il court, il saute, il lance. Plus de 10 000 marmailles sont attendues aujourd'hui sur les stades de La Réunion à l'occasion de la Journée nationale du sport scolaire. Opération destinée à leur montrer tout l'intérêt de la pratique régulière d'une activité physique. L'idée, c'est aussi que les élèves pratiquent des disciplines auxquelles ils n'ont jamais touché. Pour l'UCEP, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré, la démarche va même plus loin. Son délégué départemental Thierry Grimaud était l'invité de la matinale aujourd'hui. On ne veut pas que des enfants consommateurs, mais plutôt des enfants acteurs, organisateurs. C'est l'exemple d'aujourd'hui sur un des sites à Saint-Leu, où là, des enfants seront dans l'organisation. Ils ont préparé les ateliers et ils vont accueillir le petit camarade. Et ça, tout au long de l'année, on développe ces classes organisatrices où des enseignants vont travailler en amont avec les enfants sur les ateliers proposés et ces enfants vont organiser les rencontres, les CM2 pour les CM1 ou bien les CE2 pour les CP, même pour la maternelle. Les enfants aiment organiser, prennent des responsabilités et même quelquefois ils sont plus stricts sur le règlement que les adultes. C'est souvent au niveau des adultes qu'ils ont une certaine appréhension de confier à ces enfants des responsabilités. Thierry Grimaud était interrogé par Philippe Dornier, entretien à retrouver intégralement à 13h30 sur Réunion Première Radio. Et ce mercredi dédié aux élèves partout en France va aussi servir à lancer l'année de l'olympisme de l'école à l'université. Ce soir, à 18h15, la rédaction de Réunion Première Radio vous propose une immersion dans l'enfer de l'embrigadement sectaire avec le magazine Dans les coulisses, consacré aujourd'hui à l'affaire de Marie Porte du Ciel. À la tête de ce groupe de prière basé au Tampon, un ancien policier et plusieurs membres de sa famille, dont un prêtre du diocèse, ils sont toujours visés par une information judiciaire et pourraient être bientôt jugés pour abus de faiblesse notamment. Écoutez un extrait du témoignage exclusif d'un ancien adepte de Marie Porte du Ciel qui dit avoir perdu 10 ans de sa vie sous l'emprise du gourou. Par exemple, on s'est endormi sur une prière, c'est pas parce qu'on était fatigué, parce que c'est le mal qui nous a défendu de faire notre prière, parce qu'on s'est endormi. Après, un petit exemple simple, on roulait sur la route et ma galée avait été fêlée. Non, c'était même pas galée, c'était un pigeon. Tout de suite, il fallait aller là-haut, voilà, c'est le mal qui a. C'est pas un pigeon, hein, c'est le mal qui a envoyé ce pigeon pour taper contre ma vitre, pour me faire un accident. Tout était manifesté. Voilà, du mal, voilà. Et donc, du coup, ben, on s'y prend. Effectivement, on s'y prend. J'ai joué le jeu, il faut dire. J'ai acheté les statuettes parce que ben, il fallait prendre, parce qu'on a eu des problèmes personnels, ben, tout le monde a des soucis. De toute façon, il n'est pas tout. Mais voilà, lui il joue là-dessus. Et beaucoup sur les médias aussi, c'est-à-dire les actualités. C'est-à-dire qu'il y a un truc de la actualité, un feu ou un attentat, c'est tout ce moment. Ben, si là, il va dire ah oui, il y a un attentat bientôt il y aura un à La Réunion, donc protégez-vous. Dans les coulisses de Marie Porte du Ciel, c'est ce soir à 18h15 sur Réunion Première Radio, un magazine de la rédaction signé Daniel D'Ambreville. Que se passe-t-il en France et dans le monde? La réponse tout de suite avec France Info. Le trafic des trains est perturbé ce matin dans l'Ouest. C'est la conséquence des orages de la nuit dernière. Des arbres se sont couchés sur les voies. Il y a aussi des problèmes électriques puisque des lignes ont été arrachées. Au total, 120 000 maisons et appartements se sont retrouvés plongés dans le noir. Désormais, ce sont 7 départements du Sud qui sont en alerte aux orages et aux fortes pluies, de l'Aveyron aux Bouches-du-Rhône, en passant par l'Ardèche, le Gard et l'Hérault. Plus d'un mois après le dramatique incendie dans un bar de Rouen, le gérant de l'établissement est en garde à vue. Le feu avait ravagé le sous-sol, c'était lors d'une soirée d'anniversaire. 13 jeunes sont morts, pris au piège des fumées et des flammes. Une journée de grève chez EDF, les salariés manifestent pour défendre le nucléaire. Ils s'opposent à la fermeture programmée de Fessenheim, la plus vieille centrale française. C'est un sondage que vous révèle France Info. Les Français ne veulent pas qu'on touche au mariage pour tous. Ils sont 65% à être favorables au maintien de la loi Taubira, alors que des candidats à la primaire de la droite proposent d'abroger le texte. Et puis en football, Paris peut se mordre les doigts. Match nul, un but partout contre Arsenal en Ligue des Champions. Les Parisiens ont beaucoup raté d'occasions. Ce soir, Lyon reçoit le Dynamo Zagreb et Monaco se déplace chez les Anglais de Tottenham. France Info. Vous êtes sur Réunion Première, merci de votre fidélité. Le 12-13 continue avec C'est dans l'actu. Bonjour Philippe Dornier. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Ce midi, Philippe, un débat qui s'annonce animé avec un face-à-face entre vos deux invités, Jean-Bernard Caroupaille, le président de la FNTR Réunion, la Fédération Nationale des Transporteurs Routiers, et Lilian Reillac, porte-parole du collectif Touche pas nous troche, avec cette question, faut-il creuser une carrière à bois blanc ? Une carrière, Antoine, qui pourrait alimenter le chantier de la NRL en roche massive. Il est question de 9 millions de tonnes. Une enquête publique a démarré lundi la semaine dernière et elle se poursuit jusqu'au 6 octobre. Êtes-vous favorable ou pas à ce projet de carrière ? Le 02 62 99 2000 est à votre disposition pour donner votre avis et interroger nos deux invités. Avant ça, Ingrid pour la météo. La météo vous est présentée par Miedao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miedao.fr. La fraîcheur reste d'actualité pour cet après-midi, notamment dans les plaines et les hauts en général. Malgré quelques nuages, de temps en temps, l'éruption devrait être visible au volcan. Les éclaircies sont de retour dans le sud et même si quelques averses sont possibles en montagne, eh bien celles-ci restent assez rares. Le ciel se couvre à Saint-Denis et à Saint-Paul et le vent marque une petite pause par rapport à hier. Il souffle entre 40 et 50 km/h sur les plages de l'ouest, 60 km/h à Saint-Pierre et 50 à Saint-Denis. Dans l'ouest, la mer est agitée au déferlement d'une petite houle et elle est forte dans le sud sauvage. La météo vous est présentée par Miedao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miedao.fr. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première, lundi au vendredi, sur les étals des marchés de notre île, avec vous. Et la fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Les 23 et 24 septembre prochains, c'est la 7e édition du Festival Kalubong au Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis. Retrouve en concert Morgan Heritage. Kalash. Kiltir. Bitova au bass. Toute la programmation, les infos pratiques et les infos billetteries sont sur kalubang.re. La ville de Petite-Île présente la Journée européenne du patrimoine le samedi 17 septembre de 9h à 17h30. Venez découvrir le patrimoine de la commune dans une chasse au trésor grandeur nature, des ateliers et des concerts. Découvrez les breads comme vous ne les avez jamais vus dans une conférence débat et un concours culinaire. L'après-midi, faites votre marché à l'escale au pays du terroir. La Journée européenne du patrimoine à Petite-Île, c'est le 17 septembre 2016 de 9h à 17h30 au centre-ville et dans les quartiers. Première. Midi 17 sur Réunion Première. Faut-il creuser une carrière à bois blanc ? Question au cœur de C'est dans l'actu ce midi avec Philippe Dornier et ses invités. Méga chantier en cours, recherche matériaux pour concrétiser le projet. Cette petite annonce, vous ne la lirez nulle part, mais elle pourrait très bien être passée pour la NRL. La construction des digues a été lancée, mais grâce essentiellement aux roches importées de Madagascar. Car en ce qui concerne les carrières, localement, rien ne bouge, ou presque. Celle de bois blanc a été retoquée l'an dernier après une première enquête publique. Alors l'État en organise une deuxième à partir d'un projet remanié par son promoteur, la SCPR, la société de concassage qui prétend avoir réduit de 19 hectares la surface d'exploitation ou encore avoir éloigné le site de la population. Des modifications contestées par les opposants à cette carrière de bois blanc, ils profitent de l'enquête publique ce mois-ci pour se faire entendre. Les habitants des trois communes concernées, Saint-Leu, les Avirons et l'étang Salé, sont-ils nombreux à se déplacer en mairie ? Cette nouvelle mouture peut-elle créer des emplois ? Quelles sont les nuisances redoutées par les adversaires de la carrière de bois blanc ? C'est dans l'actu sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Réunion Première, Philippe Dornier. N'hésitez pas à nous appeler, comme d'habitude, au 02 62 99 2000 pour participer à cette émission. Vous avez également la possibilité d'utiliser les textos au 06 92 70 2000 et puis les réseaux sociaux, la page Facebook, c'est dans l'actu, et le hashtag CDLA première pour Twitter. Deux invités avec nous ce midi pour ce face-à-face. Lilian Rayac, porte-parole du collectif Touche pas nous troche. Bonjour. Bonjour. Et puis Jean-Bernard Caroupaille, le président de la FNTR Réunion, la Fédération Nationale des Transports Routiers. Bonjour. Bonjour. Bon, je ne vous cache pas que j'aurais aimé que la SCPR vienne elle-même défendre son deuxième projet de carrière. J'ai bien laissé des messages à son directeur. Aucune réponse. Il préfère visiblement communiquer par publi-reportage interposé. Qu'est-ce que ça vous inspire, tiens, d'ailleurs, Jean-Bernard Caroupaille, cette discrétion de la SCPR? Est-ce qu'il faut en déduire qu'elle n'est pas fière de son projet? En fait, on dit discrétion, mais je pense quand même que c'est le chantier le plus parlé, c'est la carrière le plus parlé. C'est tellement médiatisé, je ne vois pas où est la discrétion. Peut-être qu'on en dit tellement beaucoup, par la presse interposée, sur les ondes, sur les radios, et que les gens, pour lui, en savent assez, à travers les communications. D'ailleurs, ce matin, je regarde les deux journaux, il y a deux grandes pages de communication où on explique à peu près un petit peu tout pour éclairer certaines personnes qui se posent encore des questions. Et on a vu fleurir cette communication dès fin août, hein, une pleine page de pub pour la carrière de bois blanc dans la presse écrite. Ouais. Projet mené en concertation, dit le texte, consultation préalable des associations environnementales, des riverains, des élus. Le collectif a été consulté, Lilian Rayac? Non, pas du tout. Ni les organismes que vous venez de citer. C'est le même projet. Ça, on a déplacé tout simplement la carrière de 50 mètres. Les impacts sont les mêmes que cela est relevé l'année dernière. Un impact au niveau environnemental, impact surtout sur la santé, impact sur le trafic. Le nombre de trafic de camions est légèrement plus élevé, puisque de 900 on passe à 953. Mais il est clair que c'est le même projet. Je veux dire, c'est le même trou. Ce n'est pas le fait de déplacer 50 mètres. Le problème, c'est que quand vous déplacez à 50 mètres dans une zone quasiment urbaine, vous déplacez le problème parce que vous touchez non plus effectivement les mêmes habitations, mais vous touchez d'autres habitations. Alors il faut savoir que l'année dernière, la SCP avait justifié son projet sur le fait que même si on ouvre d'autres carrières dans l'île, il faudra naturellement ouvrir une carrière bois blanc parce que il n'y aura pas suffisamment de roches massives pour la nouvelle route littorale. Il en faut 18 millions de tonnes. Sauf qu'aujourd'hui, c'est que entre-temps, grâce à la mobilisation l'année dernière, nous avons pu faire reculer ce projet, qui est le même présenté aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut faire passer le projet en force, et sous prétexte que, finalement, on a d'autres carrières, mais on ne joue plus sur la quantité, mais sur la qualité. Alors, il faut savoir que Dioré, qui est porté par le concurrent de la SCPR, bon, ça, c'est des logiques industrielles qui ne le regardent. On est dans une économie libérale. C'est tout à fait normal. Sauf qu'aujourd'hui, en termes de quantité, nous avons largement atteint la quantité de roches massives pour les besoins de la route littorale. Avec quelle carrière? Alors, vous avez Dioré, dont l'autorisation a été octroyée au groupe Gantoli depuis le mois de décembre. Aujourd'hui, il se trouve que les négociations entre le groupement Bouygues-Vinci, titulaire du marché de la route littorale, n'aboutissent pas, tout simplement parce que le marché de roches massives pour la route littorale représente quand même entre 500 et 600 millions d'euros et que le groupe Bouygues n'a pas envie, n'a aucune volonté de faire partager aux autres entreprises et notamment les entreprises locales. La durée, c'est aujourd'hui l'autorisation, il n'y a plus d'obstacles majeurs, il n'y a plus d'obstacles administratifs, sauf qu'il n'y a toujours aucune convention qui est signée entre le groupe Gantoli et Bouygues. Ça représente aujourd'hui, notamment pour les transporteurs, le transport de plus de 7 200 000 tonnes de roches. Vous avez en ce moment une deuxième enquête publique sur notre carrière à Saint-André, qui se trouve à Montiol, qui représente une extraction de 7 700 000 tonnes de roches. Vous ajoutez cela, les 6 millions d'andins, nous sommes à 21 millions de tonnes. Or, la route littorale, on a besoin de 18 millions. Donc, nous, on est désolés. Bois Blanc aujourd'hui n'est plus un enjeu pour la route du littoral. Est-ce que, alors on va poser la question à Jean-Bernard Caropaille, est-ce qu'on peut se passer de Bois Blanc aujourd'hui, Jean-Bernard Caropaille? Alors, au contraire, c'est bien d'apporter un petit peu d'éclaircissement au niveau de la population qui se pose des questions. Je comprends bien le combat que mènent nos camarades à côté, qui est soucieux de notre environnement. Nous aussi, on est soucieux à travers nos travaux, nos actions, à travers nos entreprises. On est aussi soucieux de cette problématique, d'accord ? Ça permet aussi d'un mieux être, un mieux vivre, aussi pour les Réunionnais. Mais seulement, il faut apporter quelques précisions, puisque quand on dit que le collectif ne touche pas notre autre et la population n'a pas été écoutée, je ne suis pas trop d'accord, parce que moi-même, je connaissais le projet dans son ensemble et j'ai vu comment cela a été modifié. Ce qui veut bien dire que vous, le donneur d'ordre... Vous, M. Caropaille, pas nous. Oui, oui, mais attends, je vais vous expliquer. Parce que le porteur de projet, la SCPA, parce qu'on le cite, il a réduit quand même de 25% l'impact même. Après, ce qu'il faut dire aussi, il faut arrêter de parler de trous. C'est une pente. On fait des plateaux en rodant. Et quand on arrive à la hauteur de la nouvelle route du littoral, on est toujours à la même hauteur. Il faut arrêter de parler de trous. On valorise le foncier, on optimise et on le redonne aux agriculteurs pour être cultivable. Et tout le monde le sait, ici à La Réunion. Alors, on est très pauvre en foncier. On va revenir, Jean-Bernard Caropaille, sur les suites, je sais que le collectif a des choses à dire là-dessus. Je voudrais qu'on reste très rapidement, on ne va pas y passer trop longtemps, mais qu'on reste sur cette question économique. Je voudrais qu'on écoute, juste pour alimenter le débat, parce qu'effectivement, il n'y a pas que la carrière de Bois Blanc, d'autres pourraient voir le jour, notamment à Saint-André. Et Europe Écologie Les Verts fait une remarque à ce sujet par l'intermédiaire de son secrétaire régional Jean-Pierre Marchaud. Nous nous interrogeons sur le fait que l'exploitant de la carrière durée, qui a toutes les autorisations depuis le 1er de janvier, n'exploite pas. On s'interroge, est-ce qu'il n'y a pas la volonté là d'assécher le marché des matériaux pour faire monter les prix? Nous souhaitons que l'État prenne le dossier en main et qu'il veille effectivement à ce qu'il n'y ait pas cette dérive des coûts qui s'annonce et qu'il y aura un impact, pas seulement sur le chantier de la route, mais sur le prix des logements de même, puisqu'il faut savoir que 50% de la production d'agrégats est absorbée par le bâtiment. Voilà, Jean-Pierre Marchaud, interrogé par Gaël Le Dantec. Je voulais vous faire réagir là-dessus, Jean-Bernard Caropaille. Est-ce qu'on assèche le marché pour faire monter les prix? Je répondais à M. Lydian, c'est un peu normal que je réponde parce qu'il a abordé plusieurs sujets. Donc on est là, et j'aime bien votre émission. On met deux personnes opposées pour essayer d'apporter un petit peu de lumière, un petit peu de clarté aux gens qui se posent des questions. Et quand on aborde un sujet... On peut rebondir dessus, la preuve. Chacun son domaine de compétence. Je respecte l'engagement qu'a pris M. Lilian. Il faudrait qu'il respecte aussi l'engagement. Je sais qu'il nous a... On ne s'est jamais tiré dessus. Je l'écoute, je le comprends. Et puis, on essaye de transformer la solution le plus adéquate par rapport aux attentes des uns et des autres. Alors, moi, j'ai une position. Les positions, bien sûr, il est économique. Développement économique, social... Personne n'a besoin d'une explosion sociale. Mais pourquoi on n'exploite pas Dioré, là, concrètement? Dioré, je vais vous dire, vous l'avez évoqué, moi je suis dedans, je connais. Il faut arrêter un petit peu la polémique de dire de faire monter les enchères, ça n'intéresse pas. Le groupement de faire monter les enchères, c'est une question de qualité et de blocométrie. C'est vrai qu'on est arrivé à une phase... Qu'est-ce que c'est la blocométrie? La blocométrie, c'est une dimension de roche. Alors, il a été dit, par Scan, que les deux, celui de Mainsur, le de Dioré, par rapport à la blocométrie, c'est pas celui qu'on attend aujourd'hui pour pouvoir continuer le chantier et respecter les délais. C'est bien une blocométrie différente et en termes de qualité et de solidité, parce que vous savez, des experts, des ingénieurs qui mènent des travaux et qui peut donner des renseignements beaucoup plus précis que nous, parce que nous, on n'est pas des experts, sur la qualité et la dimension des blocs. Et c'est vrai que moi, je transporte. Si aujourd'hui, les commandes ont été diminuées, d'accord, c'est bien parce qu'on manque de blocométrie. Et personne n'a envie aujourd'hui qu'une partie de l'enveloppe qui était destinée à développer l'activité ici à La Réunion part dans des pays étrangers pour une importation. Donc, c'est vrai que c'est reconnu sur la carrière de Bois Blanc. Au niveau des roches pensives en blocométrie, il est plus en adéquation par rapport aux attentes du chantier de la nouvelle Alors, on a l'explication technique. Termes d'emploi, si vous me permettez, de développer l'emploi. Ça, on y reviendra après. L'emploi direct et indirect. Je suis d'accord pour parler avec vous que l'emploi, M. Caropaille. Non, mais pas de souci. On parlera d'emploi. Juste sur ce sujet-là. Répondre aussi. Ça, j'ai l'impression que vous avez lu. Lilian Réac, répondre aussi à l'avenir du site. puisque ça a été évoqué par Jean-Bernard Caropaille. Vous parlez de l'avenir du site de Bois-Blanc. Voilà, bien sûr. Ben, on ne peut pas parler de l'avenir du site de Bois-Blanc parce qu'il n'y aura pas de carrière de Bois-Blanc. On fera tout pour qu'il n'y ait pas de carrière de Bois-Blanc. Mais en imaginant... Imaginant, et ce ne sont pas les photos, les images de synthèse qu'a fabriqué la SCPR qui vont convaincre qui que ce soit. L'été agricole, nous, on a des agriculteurs qui sont avec nous, qui sont sur site. Ils peuvent vous dire, il y a à peine un mètre de terre, le reste c'est du tuf. On ne plante pas dans du tuf. Ça, c'est quelque chose de personne n'y croit. Voilà. Maintenant, pour revenir sur, effectivement, la qualité de la roche. Je vous parlais de la qualité de la roche. Moi, j'ai lu attentivement l'étude géologique de la SCPR sur Bois Blanc. On s'est fait accompagner également par des géologues. Vous savez, on est un collectif, on n'a pas trop de moyens, mais enfin, il y a quand même des gens qui viennent nous soutenir. Et on a fait analyser et on a lu également les conclusions géologiques de Dioré, de Mansiol. Moi, je peux vous assurer, à la lecture de ces analyses, la roche est plus dure à Saint-André qu'à Bois-Blanc. Et d'autant plus, pour vous dire que la SCPR se contredit. Lorsqu'il y a eu la construction de la route des Tamarins, en 2008 exactement, la SCPR a effectué des essais de tir de mine pour faire des prélèvements et évaluer la roche massive. Ils ont très vite abandonné. Ces rapports au BRGM, je ne l'invente pas, ce n'est pas Lilian Ria qui le dit, c'est le BRGM qui l'écrit. Donc, aujourd'hui, le problème, monsieur Caropaille, c'est que les Réunionnais ont aujourd'hui l'impression, en tout cas, ils ont la certitude que derrière ce marché des roches, la roche rend fou et qu'on est en train de faire n'importe quoi de son île. Et ça, c'est inacceptable. Dit à l'année dernière, il faut faire une carrière à Bois Blanc parce qu'on n'aura pas suffisamment de volume. Aujourd'hui, ils ont la certitude qu'il y a du volume, sauf que maintenant, on dit, ah ben non, la qualité ne nous plaît pas. En clair, c'est pire de dire, moi, ma roche à Bois Blanc, elle est bonne. Les roches des autres, elle n'est pas bonne. Eh bien non, ça, personne ne va le croire, et je peux vous assurer, personne ne le croit. Nous, on fait une réunion samedi du collectif où on a invité tous les réunionnais à venir, enfin une réunion d'information, pour expliquer cela. On a d'autres informations à partager avec eux pour démontrer que ce projet, ils veulent le faire passer en force, eh bien ça ne passera pas. Donc voilà, ce message que moi, je voulais vous dire. Alors, concernant, je vous laisse développer de l'emploi. Moi, oui. Je suis d'accord, échanger pour vous. Juste pour revenir sur la dernière question. Sur la dernière, et je rappelle aussi à nos auditeurs qu'ils peuvent appeler au 02 62 99 2000. C'est dans l'actu, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Jean-Bernard Caropaille sur l'emploi. Je pense sur l'emploi, juste avant pour répondre sur ça, les derniers mots qu'il a dit. S'il dit que vous n'avez pas été entendu, que le projet n'a pas été modifié, c'est bien si on a une nouvelle enquête publique, c'est bien parce que le promoteur, le porteur de projet, a bien voulu revoir son projet par rapport à l'opposition qu'il y avait en face. Est-ce qu'il avait le choix? Écoute, mais déjà comprendre, écouter, parce qu'il y en a qui regardent, qui ne voient pas. On n'a pas écouté, il y en a qui écoutent, mais qui n'entendent pas. La SCPA, il a entendu quand même. Il a entendu, puisqu'il a décidé de repayer des études supplémentaires, donc dépenser de l'argent, pour refaire une étude en prenant en considération les revendications des opposants. D'accord ? Donc, le délai a été réduit, les cadences des camions ont été réduites. Je suis bien placé, parce qu'au départ, j'avais 250 camions, je me retrouve avec 150 camions. Et encore, on est encore en train de mettre en place une étude graphologique sur les heures de pointe de Bois-Rouge à proximité de la carrière, où c'est qu'il y a 40 000 véhicules, 38 000 à peu près, et aussi à Saint-Paul, où c'est qu'il y a 80 000 véhicules, pour ramener à côté de la sortie même de la Bretelle à 2,5%, et de l'autre côté, à peu près 1,5% de plus par rapport au flux de véhicules qu'il y a actuellement. Donc, la surface d'exploitation a été modifiée, la cadence a été modifiée, mais je peux vous dire que les études, moi je suis entrepreneur, bon je sais aussi ce que c'est, mais l'étude, le montant, le budget d'études d'impact n'a pas diminué. Et le donneur d'ordre, il a bien voulu faire ses dépenses en prenant en compte les doléances. Et en termes d'emploi, je vais venir en termes d'emploi, je suis bien placé. Parce que moi, je défends aussi une activité qui était en souffrance. Oui, oui. Sur le transport. Sur le transport. Quand vous voyez, même si on met 125 camions en deux postes, ça fait 250 salariés, avec une cinquantaine autour administratif, et aussi qui fait de la maintenance. Et quand on voit aussi l'engagement qu'a pris la SCPA sur 70 emplois directs sur les lieux même de Saint-Leu, plus ce que ça va générer. Moi, je sais, j'ai fait des études ensemble. On travaille beaucoup en constatation, mais on n'en parle pas beaucoup. Ça s'entend, d'ailleurs, ça se voit. D'ailleurs, c'est un petit peu normal. Je suis content de cette émission. De manière qu'on ne reste pas dans l'ombre, mais on porte un petit peu de lumière. 350 emplois sur les 4 ans et demi. Vous savez bien que c'était entre 6 ans et 6 ans et demi. On a réduit les délais aussi à 4 ans et demi. Je pense que ça vaut la peine quand on voit toute la souffrance qu'on a pour traverser la dangerosité pour traverser la route du littoral, la route en corniche qu'on appelle, et puis aussi de désenclaver cette route. En termes d'emploi, si je peux venir, vous avez vu un petit peu, mais c'est du véridique. On a travaillé ensemble. Les chiffres que vous annoncez. On va aller au standard, 02 62 99 2000. On accueille François de Saint-Paul. Bonjour. Bonjour, tout le monde sur le plateau. Bienvenue sur Réunion Première, on vous écoute, François. Merci. Oui, je voudrais faire un petit commentaire. Déjà, je remercie tout particulièrement Monsieur Karoupaï, pour le combat qu'il mène, parce qu'il semble être le seul actuellement à faire en sorte que cette route se termine. Enfin, je dis bien se termine parce qu'il n'est plus question de la légitimité de la route, puisque la route, les fondations, ont déjà presque, sont bien entamées. Maintenant, il s'agit de la finir. Oui, parce que la ligue a été reportée pour l'instant. Il n'a jamais été question de remettre en cause la route du littoral, dans notre propos, monsieur. Alors, je voudrais dire à monsieur Lilian, le responsable de l'association... Le porte-parole du collectif Touche pas nous troche. Touche pas nous de galets. Alors, est-ce qu'il veut bien changer le nom de ce collectif? Parce que moi je ne comprends pas. Touche pas nous de galets, parce que nous, là, pour la route de l'île du littoral, il ne s'agit pas de toucher aux galets. Il suffit de transformer, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ici. Ce qu'on fait, c'est qu'on transforme le galet en une route qui va servir à nos enfants et aux générations futures. Parce que vous parlez des enjeux économiques, il faut aussi parler des enjeux sociaux, parce qu'à l'origine, la route a été une alternative à ce que les médias parlaient de la route de la mort, la route du littoral, en fait. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'à un moment donné, la carrière de Bois Blanc a été remise en cause. Moi, je m'attendais à ce qu'on ait découvert des ossements préhistoriques pour faire que ce site soit un site archéologique, mais à ce que je sache, ce n'est pas le cas. Alors, est-ce qu'il faut que ce soit un site archéologique, Lilian Réac? C'est un peu ce que nous demande François. Non, il y a sur le site Bois Blanc, effectivement, il y a un site qui a été identifié comme... constituant un intérêt archéologique et ça a été pris en compte dans le projet. Oui. Je vais répondre sur la partie emploi. Vous savez combien d'emplois ça a été perdu, on a perdu depuis ils ont relancé le projet, M. Karoupaï, à Saint-Leu, sur Côte-Ouest. Je ne sais pas, savoir. Moi, je vais vous dire, je vais vous faire rencontrer les chefs d'entreprise comme nous. Vous avez deux promoteurs immobiliers qui ont abandonné leur projet immobilier et qui auraient pu, c'est des gros logements quand même, parce qu'ils n'arrivaient pas à vendre leur projet sur Python, sur Stella. Ça a été gelé, en tout cas abandonné. Et en rapport avec le projet de carrière? Ben oui, parce qu'ils n'arrivent pas à vendre le projet immobilier, dans la mesure où les gens se disent, il va y avoir une carrière à côté, nous on n'achète pas. Au total, ça fait 150 emplois. Vous avez les commerçants de Python, des petits commerçants, qui aujourd'hui, ils sont persuadés qu'ils vont devoir mettre la clé sous la porte parce qu'avec la carrière, il n'y aura plus personne. Vous avez dans le domaine touristique, à l'étang salé notamment, à l'étang salé les bains, des clubs de plongée. Vous avez des entreprises liées au tourisme, la restauration, l'hébergement, etc. Ben, il y en a deux qui ont fermé leurs portes depuis le 1er janvier. Ça, c'est la réalité. Ça, ce ne sont pas des emplois. Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, je dis, puisque notre inquiétude, c'est l'emploi. Durée est prêt. Faites travailler les transporteurs, faites travailler les gens. Ça, c'est concret, ça, c'est immédiatement. Moi, je serai à votre place, M. Karoupaï. Moi, j'irai frapper à la porte de Bouygues pour le dire. Arrêtez. Parce que là, on a tous bien compris, les réunions ont très bien compris. Cette carrière de bois blanc, c'est stratégique pour la CPA. C'est pour maintenir son leadership et son monopole sur les matériaux de construction à La Réunion. Il ne peut pas, Bouygues ne peut pas supporter, et c'est l'image d'une multinationale, ne peut pas supporter des concurrents. Aujourd'hui, vous avez un groupe, moi je ne défends pas ce groupe, hein. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ce n'est pas le problème là. Mais je veux dire, puisqu'on a besoin de roches pour cette route, le jeune tout à l'heure, il a raison, on finit la route, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais il y a les carrières, il y a les autorisations, tout est prêt. Mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que Bouygues attend? Je vais vous apporter les réponses. Ce n'est pas un problème de qualité de roche, ça, personne n'a valeur. C'est important aussi de prendre les auditeurs qui nous appellent. Ouais, bien on a Émilie qui nous appelle des Avirons pour une remarque. Bonjour Émilie. Oui, bonjour, excusez-moi. En fait, je voulais relever ce que Monsieur Caroupaille disait sur le nombre de camions. Il disait que le nombre de ces camions avait diminué par rapport à la nouveau projet. Moi, en fait, je suis allée à l'enquête publique et je suis allée regarder un peu dans les documents. Et en fait, il y a quelque chose qui m'interpelle. Peut-être que Monsieur Caroupaille a vu sa diminution de camions parce que ça a eu une proposition avec d'autres sociétés de camionneurs. L'année dernière, je sais que il avait été dit qu'il y avait à peu près 900 camions par jour. C'est ça, Monsieur Caroupaille? Alors, vous parlez de 900 passages. Attention, hein. On parle de 900 passages, on ne parle pas de 900 camions. Alors, de passages, d'accord. Déjà, c'est deux choses différentes. D'accord. Donc, ouais. Du coup, 900 passages, ça fait 450 camions. Après, je ne sais pas exactement. Non, ça ne fait pas 450 camions. Ça fait 125 camions multipliés par 4. Mais je comprends votre inquiétude. Il n'y a pas de raison. On est là pour vous apporter, pour vous éclairer. On parle sur quatre rotations dans la journée. Il faut bien que le transporteur gagne sa vie. On va laisser Émilie terminer son intervention. Oui, bien sûr. Du coup, je ne sais pas combien ça fait de nombre de camions, mais sur les rotations, parce que dans les documents, ils parlent plus de rotations que de nombre de camions. Ils disent que là, dans le nouveau projet, il y aurait entre 400 et 530 rotations, ce qui est quand même plus important que la. Dans le premier projet, donc la cadence est plus importante, il me semble, parce que en faisant le calcul, sur 15 heures, ça revient quand même à 35 camions par heure. Après, je sais pas le nombre de temps que prend un camion pour un aller-retour entre le projet, le site de Bois Blanc jusqu'à la nouvelle route du littoral. Donc ça, c'était la première chose. Et après, la deuxième chose, c'est que moi, je suis une maman d'une petite fille qui va à l'école et d'un petit bébé qui se fait garder par une assistante maternelle. Et en fait, il faut savoir quand même que les avirons surplombe ce site. Et donc, du coup, avec l'émanation des poussières et les tirs de mine, il faut savoir quand même qu'il va y avoir deux tirs de mine par jour. Moi, je m'inquiète énormément pour mes enfants. Donc, la population, alors la création d'emplois, je comprends, mais il faut savoir aussi que nous avons des enfants à côté et que c'est très, très, très... Enfin, ça nous touche énormément de se dire que... il va avoir de la poussière, il va avoir des tirs de mine, ça va être impactant pour nos enfants, ça va être traumatisant. Donc moi, maman, je m'inquiète surtout pour la santé de mes enfants. Et on va vous répondre, Jean-Bernard Caroupaille va vous répondre. Je précise que les tirs doivent être réalisés entre 10h et 16h, c'est ce qu'annonce la SCPA. Hein. Voilà, déjà un éclaircissement, c'est pas deux tirs de mine par jour. Ah c'est dans le dossier, madame, de Caroupaille. Madame, il faut un tir de mine dans vous savez, madame, il faut arrêter, écouter les ladis la fée. Il y a 20 tiers de mine, 20 tiers de mine par an. Non, 20 tiers de mine par an, madame. Non, ça c'est sur la route du littoral. Non, je parle de ceux de la carrière. Je parle de la carrière. Dans le projet. Non, mais je parle de la carrière. C'est 20 tiers de mine par an. Oui, à 20 tiers de mine par an. Et après, ça se fera dans des heures où vraiment il y aura moins de nuisances. Mais vous savez, madame, je vais vous expliquer. Moi aussi, je suis comme vous. J'ai des enfants. J'ai des enfants. Je suis papa. Et la sagesse m'atteint aussi. Donc je réfléchis beaucoup et j'essaye de comprendre les problématiques des gens. Vous savez, dans un pays de droit, pour mener à bien une politique économique de développement, il faudrait une paix sociale, il faudrait des développements. On est dans un pays où c'est qu'il y a des chômeurs, 137 000 chômeurs. Il y a des nuages, il y a des soleils, il y a des oiseaux, tout ça on le respecte. Madame, il faudrait voir à côté. Vous avez pensé le bienfait de la nouvelle route du littoral qui mettrait qui aurait peut-être moins de morts. Moins de morts. Madame, je vous réponds. Je le comprends parce que je l'apprends. Voilà, moins de morts. Vous savez. Moi, j'ai une amie qui est décédée sur cette route du Hérault. Voilà, c'est bien, madame. C'est bien. C'est bien de comprendre tous ces enjeux-là. Il y a des enjeux, on est dans un petit pays. Et après, entre nous, on devrait s'entendre parce qu'on donne toujours l'impression qu'on se bat entre nous et qu'on ne s'entend pas par rapport à des divergences. Mais il faudrait simplement essayer de comprendre parce que trop d'écologie va tuer l'écologie. Vous savez, personne ne s'est posé la question, les morts humaines qu'il y a eu sur cette route, les problématiques d'enclavement que ça pose au développement économique. Personne ne s'est posé la question de toutes les filets qu'on va descendre pour rendre leur site naturel aux paillants queue. Personne ne se pose ces questions, le bienfait, le côté bénéfique que ça a en termes d'emploi, de développement. Je pense que c'est un faux débat. Personne n'a besoin. Mais non, mais je réponds à cette dame, parce que cette dame est inquiète. Cette dame est inquiète. Ça, ce que vous dites là, tout le monde partage, je connais tout le monde, connaît ça. Non, mais cette dame est inquiète, il faut le rassurer. Je comprends, elle a un enfant. Mais toutes les précautions. Mais ouais, non, mais sur ce point-là, sur les questions de la poussière, Jean-Bernard Caropaille, sur les questions de la poussière. Et puis, Émilie, je vais vous remercier parce qu'il y a d'autres appels. C'est très important ce que je vais vous dire. 800 tonnes d'explosifs par jour. C'est moi qui vous remercie, madame. Et je comprends parfaitement votre inquiétude parce que je suis père aussi. Mais sur la poussière. Mais sur la poussière, je vais vous expliquer quelque chose. Il faut à un moment donné respecter le travail de service de l'État et celui de la DEAL et des services de l'environnement. C'est tellement draconien que des fois, nous-mêmes, On a l'impression qu'on subit trop de pression de ces services. Mais on leur fait confiance. Au départ, j'étais révolté. Ça ne m'a pas servi. Aujourd'hui, si on arrive à travailler de concert avec les services de l'État et de la DEAL, qui a des spécialistes de l'environnement, aujourd'hui, le moins de petites poussières, les gens crient, il faut un camion citerne, il faut des préconisations. Tous ces dispositifs ont été étudiés, ont été mis en place pour essayer de créer le moins de nuisances en termes de bruit, madame, que vous avez cité, en termes de poussière et tout ce que vous voulez. Tout ça est dans le cahier des charges. Alors, Jean-Bernard Caropaille, on va demander à Lilian Rayac si le collectif Touche pas nous proche fait confiance aux gens de la DEAL qui sont là quand même pour protéger l'environnement. Les gens de la DEAL, c'est des gens respectueux qui font correctement leur travail et tout. Les études ont été financées et payées, le cahier des charges rédigé par les CPR, donc voilà, ça vaut ce que ça vaut. D'autant plus des études qui sont contredites les unes après les autres. Le débat aujourd'hui pour les Réunionnais n'est pas à ce point-là. Le débat aujourd'hui, Bois Blanc n'a plus lieu d'être parce que aujourd'hui, les besoins en roche massive pour la route littorale, elles sont largement compensées par les carrières de Saint-André, où moi j'ai eu le maire de Saint-André, pour lui, il a discuté avec la population. Nous on ne veut pas cimiser la population de Saint-André. Vous avez entendu l'argument de Jean-Bernard Caropaille, que ce ne sont pas les mêmes roches. Je veux dire, non, ce sont les mêmes roches. L'année dernière, on a voulu nous faire gober le projet de Bois Blanc en nous disant que malgré les autres carrières, il n'y aura pas assez de roches. Entre-temps, le problème, c'est que grâce à notre mobilisation, on a fait reculer le projet. Et entre-temps, le concurrent, lui, il a eu les autorisations à Saint-André. Sauf que Bouygues, il ne veut pas partager ses 600 millions d'euros avec les autres entreprises. Il veut que ce soit sa filiale SCPR qui ait tout le gâteau. Et à ce titre, moi, j'invite M. Caropaille, digne transporteur, en défendant SCPR. Monsieur Caropaille. Je défends l'intérêt général économique de la Réunion. Et ma profession, ma corporation qui est touchée et qui est concernée par ça. Battez-vous pour que Dioré s'ouvre plus rapidement. Je me bats tous les jours. Dioré s'ouvre le plus vite possible. Mais je vais vous apporter des éclaircissements sur Dioré. Et que les transporteurs puissent avoir du travail. Monsieur Rayac, monsieur Lilian Rayac, vous savez que la carrière Dioré n'a jamais été mise en cause. C'est juste un problème de timing, d'approvisionnement sur le chantier par rapport aux blocométries qui va sortir. Et après, je vais vous dire quelque chose d'autre que vous ne maîtrisez pas, que vous ne savez pas. Est-ce que vous savez, pour exploiter la caillette durée, vous avez vu dans quelle zone il est situé rapport à Bois Blanc, proximité en plus avec la Bretagne. La région a apporté une solution là-dessus avec ce vice-président. Oui, mais rien n'est fait à ce jour. Les travaux, la mairie de Saint-André demande quand même des travaux compensatoires, plus la sortie pour éviter les embouteillages. Vous avez vu, il y aura quand même 150 camions qui vont tourner là-bas aussi. Oui, sur Audetamarin, il y en aura 900. Voilà, mais vous avez son point d'impact, l'endroit, la situation même de la carrière, ça va poser problème. On est en train d'essayer d'étudier un itinéraire avec le voie des désenclavements de sortie sur la Cabois. Mais ces travaux ne sont pas faits, monsieur Rayac. Dans l'état actuel même, si on balance 150 camions sur Saint-André, c'est l'hécatombe. Alors, on a... l'hécatombe. On, vu de sa situation. On a deux coups de fil de la possession, des auditeurs de la possession. Roger et Alex, on va enchaîner les deux. Roger, tout d'abord, bonjour. Bonjour, monsieur Dornier. Voilà, je me présente, je suis monsieur Roger. Je viens faire une remarque sur ce qui se passe en ce moment au niveau des carrières. Bon. Chez les carrières, moi, que je suis comme vous, je lis le journal et le cahier des charges que la CPX a déposé auprès de la préfecture. Je sais que la préfecture et tout ce qui dit environnement sont drastiques là-dessus. Bon, là, le problème qui se pose, je pense qu'on a un problème de protection. C'est-à-dire, c'est vrai que sur le secteur de l'Ouest où on veut extraire le race massive pour la carrière de Ravine du Trou, là. Bon. Ravine du Trou, c'est l'autre nom, hein, la carrière de bois blanc. Oui, monsieur Lilian. Il faut voir qui on veut protéger. C'est l'espace économique de la Réunion. Ou je ne sais pas si vous avez vu l'article de l'INSEE, l'enquête de l'INSEE qui a été faite sur votre chaîne ce soir, je pense la semaine dernière, que les gens locaux qui sont nés à la Réunion, etc. 84% bon, des Réunionnais sont voilà, nés à la Réunion, c'est ça. Ben, la pourcentage qui sont installés à la Réunion. Le pourcentage qui sont installés à la Réunion, ça vient d'un peu de l'Hexagone, un peu là en Europe. Vous savez où ils sont installés? Ils sont installés d'un côté de l'Ouest. Vous savez, il y a une communauté qui sont arrivés là, prendre un poste fonctionnaire ici, la place d'un revenu quand même. Je dirais la place d'un revenu quand même. Des fois, je me pose la question si bon. Assurance régionale ou pas. Mais on s'éloigne un petit peu du débat. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Parce qu'on a très peu de temps. Il faut qu'on soit sur le débat de bois blanc. Hein. Voilà, il y a certaines personnes qui vient à la Réunion, qui prend la côte Est comme un paradis, et ils arrivent là, ils veulent s'installer comme pied dans l'eau, je dirais, écouter le bruit des oiseaux, etc. On est quand même loin du débat de bois blanc. Merci en tout cas, Roger, de nous avoir. On a noté ce que vous nous disiez sur la question de la protection. On va écouter Alex, qui a peut-être quelque chose de plus centré sur la carrière de bois blanc, nous dire bonjour, Alex. Oui, bonjour. Voilà, bonjour à M. Caroupa et à M. Bonjour. Lydion. Bonjour. Voilà, je téléphone pour la carrière. Je vois que M. Lydion dit que voilà, il n'aura pas de carrière à Bois Blanc. Mais je suis un peu déçu parce que est-ce que M. Lydion connaît combien transporter et fait travail des jeunes de 20 ans, de 20 ans, ils viennent qu'il y ait permis, qu'ils mettent sur le camion, ils créent l'emploi. Tout ça, il y a tout ça, il y a tout l'emploi qui crée. Mais nous, quand on dit comme ça, il n'y aura pas de carrière chez Bois Blanc, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce qu'il y a de carrière. Moi, je pense que c'est un problème de politique, des politiques et des gens qui ne veulent pas et ils mettent tous les jours le bois dans la roue. C'est ça que je voudrais dire, M. Lydion. Monsieur, je vais vous répondre. Et puis on refermera là le débat puisqu'on a déjà débordé. Il y a la possibilité d'ouvrir une carrière rapidement, oui. Et pour vous faire travailler, vous et votre entourage. Oui. C'est ça la question. Vous n'allez pas attendre l'hypothétique ouverture de carrière Bois Blanc, alors oui. Qu'aujourd'hui, on a une carrière qui est prête à exploiter et qu'on n'ouvre pas. C'est ça c'est incompréhensible. Monsieur, moi, je serai à votre place. Vous n'allez pas attendre 2-3 ans pour avoir un emploi. Autant, vous avez la possibilité d'avoir tout de suite du travail. Autant prendre tout de suite. Monsieur, vous connaissez combien d'emplois de jeunes, vous connaissez Donneport, même à la possession, combien de jeunes y travaillent avec des transporteurs, des chauffeurs camions. Tout ça là, il n'y avait pas de travail, ça avant. Tout ça là, c'est repoussé. Mais c'est une bonne chose. Je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas. Si on ne rouvre pas cette carrière, comme on dit tout à l'heure, on ne rouvre pas cette carrière, on n'aura pas cette carrière. Comment on va faire? Vous avez d'autres carrières aujourd'hui et qui peut produire 21 millions de tonnes. On arrive à la fin de cette émission. Jean-Bernard Caroupay, on a déjà. On aura l'occasion d'en reparler. C'est très important. Merci. Français ne pas avoir un carrière en roche massive ici à La Réunion. Et si on veut continuer à construire La Réunion, il faut bien qu'on ouvre des carrières en roche massive. On n'a pas été habitué, c'est pour ça que ça a créé un choc psychologique parce qu'on était riche en alluvionnaire ici. Maintenant qu'on a un gros chantier Titanex, on s'est aperçu qu'il faut absolument. Donc, vous savez, toutes les petites départements... Jean-Bernard Caroupay, on relance pas le débat. Merci à tous les deux d'être venus débattre de ce projet de carrière de bois blanc. Lilian Rayac, porte-parole du collectif Touche pas notre roche. Jean-Bernard Caroupay, à qui j'avais donné la parole en premier, et c'était normal que ce soit Lilian Rayac qui conclut, président de la FNTR Réunion. C'est dans l'actu demain, la lutte contre le trafic de produits dopants.

naturel, beauté naturelle. Sans moum, elle est comblée. Gagne ou dé ou l'été pour finir ensemble. Si n'est pas l'amour des si nous qu'elle a rassemblé. Nous dé ou l'été pour finir ensemble. Je suis que la flamme de ton esprit, ouais. Si je m'éteins, tu disparais à jamais. Si vous devez vivre sans moi, si vous voulez tenir mon main, baby, on va finir sans moi. Ah, yeah. La la. Première, il est 13h. Voici le journal de France Info. Et bonjour Virginie Lebrun. Bonjour. Les infirmiers personnels paramédicaux des hôpitaux appelés à se mobiliser aujourd'hui. Ils porteront un brassard noir dans leur service. On en reparle dès le début du journal. Des trains ralentis, des foyers privés de courant. Les orages ont fait des dégâts cette nuit sur la façade ouest. 7 départements restent placés en alerte orange. Ils s'étaient inscrits au meeting d'Hillary Clinton. Ils ont eu Barack Obama sur scène. Les militants démocrates pour la présidentielle américaine ont eu droit à un vrai show du président américain hier à Philadelphie. Sachez simplement que ma conscience c'est tranquille, c'est ce qu'a assuré ce matin Michel Platini dans son discours d'adieu au congrès de l'UEFA à Athènes. On en reparle à la fin du journal. France Info. Ils porteront aujourd'hui un brassard noir. Un brassard pour alerter sur la dégradation de leurs conditions de travail après 5 suicides cet été dans les services hospitaliers. Les infirmiers ainsi que tous les personnels paramédicaux, kinésithérapeutes, aides-soignants, auxiliaires de puériculture sont appelés à se mobiliser. Ils disent souffrir de restructuration, d'un manque d'effectifs et avoir de plus en plus l'impression de mal faire leur travail. Pour mieux comprendre, Frédéric Bourgade a contacté une infirmière en grève aujourd'hui dans la région toulousaine. Michel est aide-soignante depuis 25 ans au service cardiologie d'un hôpital de Ville-Moyenne. Aujourd'hui, elle est en grève, bien que présente au travail. Elle est réquisitionnée. Elle veut ainsi protester contre le manque d'effectifs et les réorganisations qui déstructurent les services, ce qui, d'après elle, participe à la souffrance au travail. Avant, dans les équipes, il y avait deux aides-soignants.